de réponses, beaucoup de questions. Trop d'éléments de contradiction. Tu veux, j'ai m'en faut de l'argent. Y'a pas que la bière qui est sous pression. Déclare la guerre à ceux qui s'enrichissent sur le dos de la misère. Plus rien à faire, ce sont les chefs d'État, les premiers gangsters. Méga salaire, parle d'un SMIC, sont millionnaires. Tout le monde se perd, fini l'esprit, y'a que le billet qui est ouvert. Faut être en tapant en bonne santé, t'as des problèmes, bah mets-les de côté. Pour s'en sortir, il faut plein de lever. Si t'économises, l'état vient de sauter. Comment être ça quand tu vis un enfer? Ou même le diable a détourné les yeux. Y'a plus de valeur où elles sont monétaires. Même les anges ont détourné les cieux. Peu de réponses, beaucoup de questions. Trop d'éléments de contradiction. Tu veux, j'ai m'en faut de l'argent. Y'a pas que la bière qui est sous pression. On se complique la vie car oui c'est pas facile d'être simple. Oui la musique m'anime, pas besoin de te faire dessin. J'aille mes démons comme une abeille, je veux suivre les seins. On prend que des bananes, c'est la planète des singes. Tout le monde grimace, ça sent le burn-out. Ce sont pas les chiffres qui vont exploser. Besoin de bouger, besoin de prendre la route. C'est quand on sera mort qu'on pourra se poser. Veulent pas que tu gères seulement que t'aies des soucis. Oui c'est bien réfléchi. Pour contrôler les masses, faut commencer par l'esprit. Peu de réponses, beaucoup de questions. Trop d'éléments de contradiction. Tu veux, j'ai m'en faut de l'argent. Y'a pas que la bière qui est sous pression.